Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, qui s'appelait autrefois Radio Trait d'Union. Pas mal Trait d'Union non plus, hein. Et ben oui, c'est le rôle qu'on s'était donné à l'époque, il y a 42 ans. Et donc ce soir, c'est l'émission Mosaïque. Alors au programme de cette émission, eh bien, liberté, égalité, plus 4 degrés, moment Meurice. Serge Faubert, pure politique, loi anticasseur, ce que prépare Darmanin. Ho Chi Minh, protocole à Paris, GIAP, Truman. Ensuite, mort ou travailler en France, justice, Steven Jobert. Passeur, Darlan, zone libre, juif, solution finale, nazi. Vichy, résistance, Auschwitz. Après-guerre. Abbé Pierre, logement prouvé, Saclay, bombe atomique, chondrocalcinose, plus tumeur au rein, immunothérapie, et puis une petite revue de presse. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Thank you. chronique de Guillaume Meurice. Évidemment, je vais vous parler écologie en plus aujourd'hui, parce que vous l'avez entendu, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire une pause sur les réglementations environnementales. Alors, c'est rigolo, vous étouffez pas, Juliette. C'est rigolo parce que normalement, une pause, ça stoppe un truc que tu as déjà commencé. Si Alex dit « je vais faire une pause sur le crossfit », bah ça marche pas, hein, techniquement parlant. Et dans le même temps, Emmanuel Macron, il veut que la France se prépare à un scénario de plus 4 degrés en 2100. 4 degrés, une demi-chouffe à peu près, Juliette. Vous voyez, c'est pour vous que vous ayez des repères dans la chronique. Je ne sais même pas ce que c'est. À qui il a confié la préparation de cette catastrophe climatique? À Christophe Béchu. Christophe Béchu, alors ça c'est vraiment la bonne idée. Ah bah voilà, pourquoi pas Pierre Palmade, moniteur d'auto-école. Voilà, on sait, pourquoi ça se passerait mal finalement, hein, on se demande. Alors au cas où quand même, j'ai toujours un petit doute, j'ai convoqué mon armée d'experts à moi, les experts de la rue, les street experts, des experts issus d'un peuple qui vit dans la terreur du réchauffement climatique. Alors moi perso, je m'en fous, mais regarde. Ah ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui t'es plus 4 degrés, je sais pas où ils sont. Hein. Mais alors il n'y a pas de réchauffement climatique ça? Non, il n'y en a pas, ça c'est des bêtises. Ça. C'est justement, ça c'est politique. Mais c'est-à-dire? Bah ils veulent nous pousser à acheter de l'électrique, ils veulent nous pousser à acheter des trucs anti-pollution, enfin des trucs qui servent strictement à rien. Donc pas d'inquiétude alors? Ah non, du tout, non. Et allez, hop là, un problème de réglé. Voilà, mais demandez-moi directement, en fait. Vous n'allez pas nous emmerder avec vos rapports du GIEC ou je sais pas quoi, là. Moins de Camille Etienne, plus de Samuel Etienne. Voilà, pas besoin de pseudo-experts pour se rendre compte que ce matin, on se caillait les miches. Aujourd'hui, on a froid. Il pleut, il fait froid, on n'a pas de réchauffement. Il faut arrêter un peu, quoi. Et pourtant, il y a tous les scientifiques qui disent que c'est la merde. Ouais, bah je sais pas où, alors. Mais pas ici, non. Mais est-ce qu'on peut pas faire la différence entre météo et climat? Oulô. Pas le cerveau court. Non, alors oui, attention, commencez pas à réfléchir à des trucs, parce que vous n'êtes pas à l'abri de fracture ouverte du néocortex, une Marlène Schiappate, hein, comme on appelle ça dans le jargon. Et en plus, sa spécialité à ce monsieur, c'est pas vraiment la climatologie, même si on avait bien vu qu'il a quand même des bases, mais c'est plutôt la sociologie. En fait, c'est toujours le pauvre qui pollue le plus. Pourquoi? Parce qu'un pauvre ne peut pas changer ses fenêtres, ne peut pas faire d'isolation comme il se doit, donc évidemment, il a une perte de chaleur, et il pousse ton radiateur à fond. On est d'accord. C'est le pauvre qui fout la merde. C'est pas le riche qui fout la merde. Mais pourtant, on sait que là, c'est les riches qui polluent le plus. Ouais, non. Sur quoi? Ils ont des jets privés. Attendez. Et les yachts. Oui, c'est catalytique, c'est entretenu, monsieur. Attendez. Ça pollue pas. Voilà. Vous voyez, quand on demande à des vrais experts, ça a quand même une autre gueule. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire, Greta Thunberg? Tu as rien à faire du tout. Allez, va bouffer tes Chris Proll, se fais pas chier. Et la lutte contre le réchauffement climatique, ça concerne tous les domaines. Par exemple, les historiens. Quand j'entends à la radio dire qu'on n'a jamais vu ça, ça m'énerve. Ouais. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 1755, sous Louis XV, il y avait une sécheresse épouvantable en France. Les gens crevaient de faim. Parce que tout était sec. Vous voulez dire que puisqu'il y a eu par le passé des épisodes comme ça de sécheresse, c'est pas grave s'il y en a dans le futur? Moi, je dis, je ne le sais pas. Le bon Dieu, peut-être. Hein. Mais le bon Dieu nous a abandonnés, on dirait. Alors. Non, le bon Dieu n'abandonne jamais les protestants. Ah! Alors, bon, alors disons que le jour de la Saint-Barthélemy, il a quand même fait une grasse mat, le bon Dieu. On peut dire même, c'est pas le sujet, on a le droit de se reposer aussi. Le sujet, c'est le réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu? Eh ben, il met sur notre route des guides, des passeurs, des sages, des gens comme Roger, finalement. Roger, quand même un petit peu à la casquette des écolos. Les écolos, ils sont sales comme des peignes. Les écolos, ils sont sales comme des peignes. Mais bah, bien sûr, ces cons-là. J'ai un monsieur qui tenait un truc d'analyse. Il a acheté une maison après un écolo. Il a pris le cachet pour nettoyer la maison. Tellement c'était dégueulasse. Ouais. Ah, effectivement, depuis qu'Aymeric Lomprey s'est lancé dans l'immobilier, c'est un petit peu la teuf chez toutes les punaises de lit. Mais ce qu'on retient de Roger, c'est pas seulement l'analyse théorique, c'est l'étude de terrain, bien sûr. Je vois ce que je vois. Je sais pas si tu as regardé où c'est que le coq était, nord-est. Hein. Le coq, c'est-à-dire le vent, il souffle nord-est? Ah ben, nord-est, c'est une très mauvaise année. Quand le vent souffle nord-est, ah oui, ça va être une mauvaise année? Nord-est, c'est une très mauvaise année. On va pas avoir de chaleur. Mais ça, c'est scientifique, ça, Roger? Ah oui, oui. Ah ben, Roger la science, hein, on l'appelle. Donc, allez, vent de nord-est, pas de sécheresse. Donc, soyez rassurés, regardez bien le coq. Si même mon coq à moi, c'est Roger, ma girouette, mon phare dans la nuit. Et Roger, il pense quoi de l'apocalypse climatique? Est-ce qu'il a peur? On a le temps. Hein, tu vois. Pour vos enfants, Roger? J'en ai pas, moi. De toute façon, j'en ai qu'un et puis il sera parti de ce temps-là. Vous en avez pas ou vous en avez un? J'en ai qu'un seul. Hein. Ah bon? Alors pour lui. Pour le chauffement thérapeutique, il faudra avec et puis c'est tout. Hein. Peut-être qu'on va pas survivre aussi. Mais ça, c'est pas grave. Il y aura moins de cons, peut-être. Ah, ça, c'est vrai aussi. Tant de vérité en aussi peu de phrases, ça fait quand même du bien. Allez, courage à tout le monde pour les décennies à venir. Parce que comme on dit au service com de France Inter à chaque article sur notre émission, ça va chauffer. Guillaume Meurice dans ses œuvres. mauvaise République. La seule bonne République, c'est lui. Une loi anti-casseurs. En tous les cas, on y réfléchit. Ça suffit de justifier les violences. La bagarre des retraites n'est pas terminée. Le gouvernement qui instrumentalise les images du policier brûlé par un cocktail Molotov, la chasse au Mélenchon qui reprend, Gérald Darmanin qui réclame une loi anti-casseurs et la proposition de loi qui pourrait tout changer en abrogeant le départ à 64 ans. C'est le sommaire de ce numéro 38 du Bourbon de Serge. Parler d'autre chose, à tout prix. Depuis l'utilisation de l'article 49.3, voici 6 semaines, le gouvernement cherche la sortie. Il croit l'avoir trouvé lundi avec ce policier brûlé par un cocktail Molotov. Il se trouve qu'à cet instant, j'étais sur les lieux. J'ai filmé la scène. Les images ont une force émotionnelle, c'est pour cela qu'il faut s'en méfier. Aussi révoltant que soit le spectacle d'un homme en feu, il ne doit pas faire oublier le reste. Le reste, c'est par exemple ce manifestant de Nantes sérieusement blessé à la main le même jour, ou cette adolescente qui risque de perdre un œil après l'explosion dans les mêmes circonstances d'un pétard ou d'une grenade, on ne sait. C'est encore le manifestant de Sainte-Soline blessé par une grenade des forces de l'ordre. S'il est sorti du coma la semaine dernière, son pronostic vital reste engagé. Pour ces trois-là, il n'y a pas d'image de l'instant où ils ont été blessés. Mais doivent-ils être condamnés à l'oubli pour autant ? La réprobation de la violence ne saurait être à géométrie variable. Le pouvoir entend bien profiter de l'émotion provoquée par les images pour éclipser le succès des manifestations de lundi. 782 000 personnes pour la police, 2 300 000 pour les syndicats, soit à peu près autant que les manifestations de février. Depuis 48 heures, l'exécutif s'abandonne à toutes les inepties. Dans le collimateur Jean-Luc Mélenchon, coupable d'avoir prononcé ces mots au départ du cortège. Ne vous laissez pas domestiquer! Quoi qu'il vous en coûte, le dernier rang des combattants, c'est le vôtre. Les premiers à courir devant, c'est vous. Les derniers à céder, c'est vous. À bas la mauvaise République. Voilà le factieux démasqué. Monsieur le Président, vous évoquez également les nouvelles outrances du leader de la France insoumise. Elles s'inscrivent dans une remise en cause permanente de nos institutions. Elles sont une nouvelle étape pour saper la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie. À bas la mauvaise République, dit-il. Chacun le sait bien, pour Jean-Luc Mélenchon, la seule bonne République, c'est lui. Pour notre part, nous sommes et nous resterons du côté de la République et de l'ordre républicain. Si Elisabeth Borne avait un tant soit peu d'honnêteté intellectuelle, elle se souviendrait que Jean-Luc Mélenchon prône le passage à une 6e République depuis 1992. Oui, cela fait exactement 31 ans qu'il dénonce le bonapartisme de nos institutions et réclame un régime parlementaire. C'est même écrit dans L'Avenir en commun, le programme du candidat Mélenchon en 2017 et 2022. Certes, l'ouvrage est moins torride qu'un entretien de Marlène Schiappa dans Playboy, ou les récentes envolées littéraires de Bruno Le Maire, le ministre proctologue. Mais ça se lit quand même. Affecté de découvrir une position connue de tous, c'est plutôt gonflé. Mais la mauvaise foi est la qualité la plus partagée de l'exécutif en ce moment. Il suffit d'écouter Gérald Darmanin. Où est la condamnation de M. Mélenchon contre l'attaque de ce policier ? Elle est où ? Le journaliste Benjamin Duhamel rappelle alors au ministre de l'Intérieur que les députés LFI Manuel Bompard et Alexis Corbière ont aussitôt condamné l'agression du policier. L'objection est rejetée par le locataire de la place Beauvau. Et moi, je n'ai pas entendu M. Mélenchon le dire, il est le chef de la France insoumise. Gérald Darmanin veut une nouvelle loi anti-casseurs. Il y avait une loi anti-casseurs, elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Oui, mais Monsieur Darmanin, vous comprenez moi, aussi... je pense qu'il faut que nous reprenions une loi anti-casseurs. Interdire aux gens de manifester sur la foi de présomption policière. Bonjour l'arbitraire administratif. Il y a fort à parier qu'en fait de casseurs, ce seront surtout les opposants politiques qui se retrouveront privés de leurs droits démocratiques. On a bien vu avec les fichiers ce qu'il en coûtait d'abandonner au ministère de l'Intérieur les prérogatives de la justice. De simples militants écologistes se sont ainsi retrouvés dans ce fichier à côté d'islamistes dangereux. Mercredi, Éric Dupond-Moretti a confirmé qu'il travaillait avec le ministre de l'Intérieur sur un projet de loi. Faut-il une nouvelle loi anti-casseurs, comme le réclame notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ? En tous les cas, on y réfléchit. Et je rencontre vendredi le ministre de l'Intérieur, on va travailler ensemble. Olivier Véran en a remis une petite couche lors de son point de presse hebdomadaire. Donc, est-ce que l'arsenal législatif, est-ce que la loi aujourd'hui permet de le faire ? Je rappelle qu'en 2019, on a adopté un texte important qui a permis d'avoir des améliorations. On n'était pas allé complètement au bout, il y avait d'autres discussions qui étaient en cours. Est-ce qu'il faut rouvrir ce dossier ? En tout cas, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ont annoncé qu'ils voulaient y travailler ensemble d'ici la fin de semaine pour voir s'il y a lieu ou non de changer la loi. À ce stade, je parle en tant que porte-parole, je n'ai pas encore de réponse ferme à vous apporter sur le fait de savoir s'il faut une loi ou non. En tout cas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on doit faire en sorte d'améliorer la situation. C'est insupportable pour nos concitoyens de voir ces casseurs par centaines, par milliers, qui sont casqués, armés de barres de fer, de cocktails Molotov, qui circulent sur les places parisiennes ou dans les autres grandes villes, encore une fois, pour casser et pour tuer. Au Sénat, mercredi après-midi, Elisabeth Borne a glissé une discrète allusion à ce prochain chantier législatif. C'est l'honneur de nos policiers et de nos gendarmes de protéger la liberté d'expression, la liberté de manifester. Nous sommes et nous resterons à leur côté. Toutes les mesures susceptibles de renforcer leur protection dans le respect des libertés publiques seront étudiées. Pour ce qui est de protéger la liberté d'expression et de manifestation, on peut avoir quelques réserves sur la compétence des forces de l'ordre. Je vous propose de regarder des images que j'ai tournées lundi. Où est l'usage légitime et proportionné de la force dans cette séquence ? L'individu ne se débat pas et surtout les policiers ne l'interpellent pas. Il s'agit de le punir, ce n'est pas le rôle de la police. Cette scène n'est pas une exception. Pour un mot de travers, ce policier perd son sang-froid. Ici, on essaye de calmer les policiers qui malmènent une jeune femme. Là, ces manifestants qui se contentent de crier ont droit à des coups de bouclier et des projections de poivre liquide. Et que dire encore du retour des lanceurs de balles de défense, des armes qui mutilent, aussi sûrement que des cocktails Molotov. Ne sombrons pas dans l'angélisme, il n'y avait pas que des gentils places de la nation. Je ne saurais jamais si ce marteau brandi devant mon objectif était destiné à mon casque, à ma caméra ou bien à une vitrine. Alors, doit-on attribuer ce parfum d'émeute au blocage politique dans lequel le 49-3 a plongé le pays ? Je trouve que cette idée est profondément choquante. Qu'est-ce qui justifie de jeter un cocktail Molotov sur un policier, même quand vous êtes en désaccord ? Et donc celles et ceux qui, dans la classe politique, justifient ces violences par une forme de blocage sont les complices des casseurs. Et Jean-Luc Mélenchon et les députés de la NUPES sont les complices des casseurs. Il faut le dire, il y a un moment donné, ça suffit de se cacher derrière le fait qu'il y aurait un blocage politique. La réforme, elle a été adoptée, quoi qu'en disent les oppositions. Emmanuel Macron a été élu, quoi qu'en dise Jean-Luc Mélenchon. Il y a une majorité ici à l'Assemblée nationale, elle a été élue, quoi qu'en dise la NUPES et Jean-Luc Mélenchon. Et donc maintenant, ça suffit de justifier les violences et les casseurs par le prisme d'un blocage politique qui n'existe pas. La réforme a été adoptée, quoi qu'en dise l'opposition, affirme Pierre-Alexandre Anglade. Mais la séquence des retraites est-elle terminée pour autant ? La bagarre des retraites n'est pas terminée. Hier, il y avait du monde. Le 8 juin, on va se battre pour qu'il y ait eu, à l'occasion de la niche du groupe Luyotte, qui désormais est célèbre, mais il y a aussi un texte commun de NUPES et d'autres pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Ce que la loi a fait, une autre loi peut le défaire. L'intersyndicale envoie le signal positif qu'on manifeste le 6. Donc je veux dire, cette séquence, de mon point de vue, n'est pas terminée. Même si j'ai bien compris que beaucoup, à commencer par au gouvernement, on aimerait, et quelques imbéciles jetant des cocktails Molotov participent à ce qu'on change de conversation. Je pense que la pire des choses, ce serait de rentrer dans une forme de, je mets des guillemets, mais de militarisation du mouvement. C'est-à-dire à la fin, une confrontation quasi militaire avec les forces de l'ordre. Ça n'a pas de sens. Notre force, c'est le nombre. À partir du moment où vous rentrez dans une logique où c'est la confrontation, il n'y a que ceux qui aiment la bagarre qui viennent, et à la fin, il n'y a plus personne. Et en plus, à la fin, c'est les forces de l'ordre qui évidemment l'emportent. Donc c'est une impasse politique. Si on accepte l'idée que des gens viennent avec des armes dans des manifestations et mettent le feu à des policiers, c'est intolérable. Hier, le Conseil constitutionnel a repoussé la deuxième proposition de référendum d'initiative partagée. À vrai dire, personne n'avait d'illusion. Les conditions de déclenchement sont telles que ce référendum demeure une fiction juridique. Alexis Corbière vient de l'évoquer, il ne reste désormais d'autre espoir que la proposition de loi déposée par le groupe Liotte. Le texte sera examiné le 8 juin dans le cadre de la niche parlementaire du groupe. Nous allons privilégier une proposition de loi très simple, visant à revenir sur l'article 7, devenu d'ailleurs article 10 dans la réécriture de la loi, sur l'âge de départ de retraite, légal de départ à la retraite, et renvoyer tout le restant à une conférence sociale. Nous allons travailler avec tous les groupes parlementaires qui s'opposent évidemment au texte de loi sur les retraites pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'amendements, qu'on puisse avancer et qu'on puisse voter. Nous allons essayer aussi de travailler avec tous les parlementaires, notamment ceux qui ont voté pour la motion de censure et les autres qui se sont abstenus, pour faire en sorte de recueillir le nombre de voix suffisants pour faire passer cette proposition de loi. Les socialistes voteront pour cette proposition de loi. Nous ne pouvons que nous satisfaire que lors de la prochaine niche parlementaire qui arrive, c'est-à-dire celle du groupe IOT, nous examinerons et nous voterons évidemment cette loi d'abrogation de la réforme des retraites. En fait, ce sera le premier vote ici à l'Assemblée nationale. Ce sera la première fois qu'on aura l'occasion de se prononcer sur cette réforme le 8 juin. Donc oui, c'est une date importante. Du côté des LR, c'est plus compliqué. Hier, Aurélien Pradier a indiqué qu'il voterait la proposition de loi du groupe Puyot. Oui, je voterai ce texte-là par cohérence. Je me suis opposé à la réforme des retraites telle que portée par Emmanuel Macron. J'ai voté la motion de censure. La cohérence veut que je vote toutes les mesures qui permettent de l'annuler. Mais les amis d'Éric Ciotti sont d'un tout autre avis. Sur la proposition de Liotte, c'est un non catégorique. Et je vous dis, je trouve regrettable que Liotte ait déposé cette proposition de loi. Enfin, du côté du Rassemblement National, on assure qu'on devrait voter la proposition de loi. Moi, je ne peux pas m'engager quand j'ai pas lu le texte, mais d'après ce qu'on connaît aujourd'hui, moi je pense qu'on le votera, mais il faut dire aux Français que je crains que même si elle est votée, cette loi ne passerait pas la censure. La surenchère sécuritaire dans laquelle s'engage le gouvernement traduit bien son impuissance politique. Faute de projet et de marge de manœuvre, il joue maintenant la carte du parti de l'ordre. Sur ce terrain, Marine Le Pen aura toujours une longueur d'avance. Gérald Darmanin ne fait que lui dérouler le tapis rouge. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la. Et n'oubliez pas les pouces. L'algorithme adore les pouces. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche, vous ne manquerez aucun de nos contenus. Vous aurez peut-être remarqué que nous avons activé la monétisation de nos vidéos par la publicité. Il s'agit d'un test que nous allons conduire pendant 2 mois. Je n'aime pas la pub parce qu'elle réduit le citoyen à sa seule dimension de consommateur. Elle véhicule l'image d'un monde qui n'existe pas et elle participe d'une forme d'aliénation. Mais si avec ses revenus, nous pouvons entrer dans des locaux et embaucher d'autres journalistes, peut-être cela vaut-il la peine d'endurer quelques écrans avant la vidéo. D'autres chaînes qui ont le même modèle économique que la nôtre ont sauté le pas. Si les inconvénients l'emportent sur les avantages, nous ferons marche arrière. N'hésitez pas à nous faire des retours sur votre ressenti. Est-ce que cela vous indispose ? Et dans quelle mesure ? Pour nous aider financièrement, je vous donne rendez-vous sur DonorBox. Pub ou pas pub, vous restez de loin notre source principale de financement et vous le resterez. C'est la garantie de notre indépendance. Je vous dis à lundi pour un prochain numéro de Pôle Express.

mère, Blanche, a pu s'appuyer sur le courage exceptionnel de ses deux fils pour développer le réseau. Surtout, elle a appliqué une méthode insolite et très efficace. Retraiter les hommes qui ont franchi la ligne grâce à elle, afin qu'ils allongent à leur tour la chaîne des passeurs. Plus de 200 correspondants disséminés dans les deux zones serviront sous ses ordres. En plus des armes, des faux papiers et des renseignements militaires, on estime que ce sont près de 8000 personnes qui ont pu rejoindre la zone libre grâce au réseau Grenier-Godard. On les a jamais comptés. Parce qu'ils arrivaient, on les prenait et ils dégageaient. On savait plus combien il y en avait. J'ai pas à ne pas en être fier, hein, j'ai assumé. Puis de toute façon, avec le caractère de ma mère, j'avais pas le choix. J'aurais pleuré, j'aurais eu une fessée. Donc je faisais ce qu'elle me disait. Et je le disais, je le faisais de bon cœur, naturellement. Il n'y avait pas de problème. Je savais que ça servait à quelque chose, quand même. Cela fait presque un an maintenant que la ligne de démarcation divise la France. Elle est plus impopulaire que jamais. Elle paralyse toujours les activités du pays et elle est devenue extrêmement dangereuse pour ceux qui essaient de la franchir clandestinement. Alors l'amiral Darlan, le nouvel homme fort du régime de Vichy, s'est fixé un objectif. Tout faire pour obtenir son assouplissement. Ce sera le meilleur moyen de convaincre les Français de le suivre sur le chemin d'une collaboration qu'il veut plus forte, plus intense. Il ne s'en cache pas, il mise sur la victoire finale des nazis. Ou nous favorisons les Anglais, et c'est notre anéantissement total. Ou nous restons neutres, et nous sommes presque autant aplatis. Ou nous favorisons l'Allemagne, et c'est notre seule chance de salut. Le 6 mai 1941, l'occasion que Darlan attendait se présente enfin. Les Allemands ont besoin de lui. À Paris, Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich en France, lui annonce qu'Hitler compte utiliser les aéroports français de Syrie. En contrepartie, il promet que les courriers et les marchandises françaises pourront passer plus largement d'une zone à l'autre. Darlan accepte aussitôt le marchandage et rend publique l'information. Une façon de mettre en scène sa réussite. Lui seul est capable d'améliorer le quotidien des Français. Il peut maintenant pousser son avantage et ouvrir un nouveau cycle de négociations avec la ligne comme monnaie d'échange. Voilà ce qu'il propose. Son assouplissement, voire même sa suppression, contre un alignement complet de Vichy sur l'Allemagne nazie. J'ai conscience d'avoir fait plus que quiconque en faveur de la politique de collaboration. Je ferai plus encore à l'avenir, car lorsque je me suis engagé dans une voie, je n'ai pas l'habitude d'en changer. De retour à Vichy, l'amiral Darlan reçoit le soutien total du maréchal Pétain. Et pour obtenir l'assouplissement de la ligne, les deux hommes acceptent de mettre leur police au service de la persécution des Juifs menée par les Allemands en zone occupée. En agissant ainsi, les dirigeants français ne mesurent pas les conséquences concrètes que leur décision va avoir sur la ligne. Sur sa nature même. Ils vont bientôt ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de cette frontière intérieure. Le chapitre le plus douloureux, le plus tragique. Dans le 20e arrondissement de la capitale, à Belleville, Lucine Mandelbaum, une jeune fille de 15 ans et demi, ignore tout des décisions de Vichy. Aujourd'hui, 14 mai 1941, son frère aîné, Jacques, doit se rendre dans un commissariat de police accompagné de sa mère. Motif invoqué, Jacques est polonais et juif. J'étais en classe, mais quand je suis rentrée à la maison à l'heure du déjeuner, mon frère et ma mère n'étaient pas là. Ils ont reçu une convocation comme quoi ils devaient se rendre, et je me souviens, ça, il devait y avoir une caserne vers la Porte des Lilas, et ils avaient été convoqués là-bas. Et en arrivant, ma mère a vu les gens et tout, ne rentre pas, viens, rentre à la maison avec moi. Mais maman, ça va durer un quart d'heure, on va me poser des questions, je vais répondre, et puis c'est tout. Elle me dit, viens avec moi. Il ne l'a pas écouté. Et il a été donc ramassé ce 14 mai 41. Jacques, le frère de Lucienne, fait partie des 3747 victimes de cette première rafle parisienne, appelée rafle du billet vert, en raison de la couleur verte de la convocation. C'est la première fois que des hommes juifs étrangers sont arrêtés en si grand nombre par la police française en zone occupée. Beaucoup sont internés dans le camp de Pithiviers, dans le Loiret, d'où Jacques parviendra à s'échapper. Cette première rafle constitue un véritable choc. Si Lucienne reste à Paris, d'autres familles juives commencent à fuir la capitale. Direction, la ligne de démarcation, pour gagner la zone libre, encore à l'abri des rafles. Ces familles visent le Cher, aux environs de Montrichard. C'est là que la ligne est la plus proche de la capitale. Alors, il y avait des juifs qui arrivaient en costume, etc. Et on les repérait et on les camouflait. Et les gens de Montrichard, qui étaient anti-allemands, guettaient aussi aux descentes de cars, aux descentes de trains, les gens qui pouvaient être repérés. Et ils se débrouillaient pour les camoufler, pour leur faire changer de costume, pour les rhabiller si besoin était. On a caché, nous, beaucoup de juifs dans une chambre là-haut. Et on leur montrait le chemin dans la cour qui donne sur les dessus. En cas de contrôle, vous filez par là. Et on n'a jamais eu d'ennui de ce genre. Pendant ce temps, à Nantes, un événement précipite d'autres familles juives vers la ligne de démarcation. L'exécution le 20 octobre 1941 du commandant allemand de la ville par la résistance. Une nouvelle occasion pour la propagande vichiste de mettre en scène la politique de collaboration. Les obsèques du lieutenant-colonel Hotz sont célébrées aujourd'hui à Nantes en présence d'une foule émue qui, par son attitude recueillie, montre qu'elle a compris l'appel du maréchal Pétain demandant aux Français de se dresser contre les complots de l'étranger. Et en représailles, 50 otages, juifs, sont désignés pour être fusillés. Parmi eux, Joseph Haïm, un petit commerçant sans histoire. Prévenu de son arrestation, il fuit la ville et s'installe en zone libre, à Saint-Étienne. Sa femme, sa fille et son fils Victor, âgés de 5 ans, quittent Nantes quelques mois plus tard et traversent la zone occupée d'ouest en est. Ils passent par Tours, Bourges, pour se rendre à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. C'est là qu'ils espèrent franchir la ligne et retrouver Joseph. Quel était le sentiment de ma sœur et mon sentiment? C'est qu'on allait revoir mon père. Et qu'il nous envoyait des cartes postales, et nous, on lui envoyait des cartes postales. Et donc, ce père absent, on avait hâte de le revoir. Donc, c'était notre seule préoccupation. Mais nous, enfants, c'était un peu l'aventure. On allait à la campagne, on allait traverser les champs, on allait voir des vaches. J'ai le souvenir que ça ne m'a pas angoissé ni traumatisé. Ajouter « e », accent aigu. Nous sommes devenus aimés. C'est un beau nom, avec le H qui est resté. Munis de leurs faux papiers, Victor et sa famille descendent du train à Chalon-sur-Saône et franchissent la ligne à travers champs, avec l'aide d'un passeur. Avant d'atteindre la zone libre, ils doivent traverser une sorte de no man's land où le danger est permanent. Et c'est là que tout à coup, on a vu deux soldats avec un berger allemand et qui disent halt, et ma mère s'arrête, on s'arrête, et aussitôt la première question, les Allemands disent à ma mère papier, et donc ils regardent les papiers et disent pourquoi vous êtes là. Alors ma mère dit ma fille là, elle la montre. Elle tousse, malade, il faut grand air, respirer, tout ça. Alors, ils écoutent, et ma mère me l'a dit après, elle commence à avoir une peur panique, quoi. Ils disent, ils vont pas nous lâcher. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un paysan qui arrive, à bicyclette. Elle se tourne vers cet homme et, tournant le dos aux Allemands, elle lui fait un clin d'œil, comme ça, pour bien lui dire, je vais vous raconter un baratin, mais il faut être complice. Elle lui dit, monsieur, vous connaissez monsieur Jaillou? C'est une maison blanche avec des volets verts. Et l'homme, ce vieil homme, dit, mais bien sûr, madame, il n'y a pas de problème, je vais vous conduire, c'est par là. Et il prend ma mère par le bras, il l'entraîne, et nous, on suit notre maman. Il dit à ma mère, vous avez sans doute le passeur qui va revenir et qui va vous dire ce qu'il faut faire. Et le passeur à bicyclette nous a dépassés et nous a dit, courez, courez vite, il y a une patrouille qui arrive. Courez vite et entrez dans la ferme que vous verrez à la lisière de la forêt. Entrez dans cette ferme, elle sera allumée. Courez. Alors on s'est mis à courir et on a couru comme des dératés. On a vu cette ferme. La porte s'est ouverte. Dès qu'on est entré dans la ferme, ils ont éteint la lumière. Ma mère s'est évanouie. Victor et sa famille sont en zone libre. Enfin. Le lendemain, ils partent pour Saint-Étienne et Victor retrouve son père, devenu lui aussi Monsieur Aimé, avec un H. Pour le maréchal Pétain, c'est la consternation. Aider les Allemands à pourchasser les Juifs en zone occupée a donc une conséquence aussi inattendue qu'intolérable. Les Juifs affluent en zone libre maintenant. Alors pour empêcher cela, il y a un moyen disponible. C'est la ligne de démarcation. Plutôt que de chercher à la supprimer, il faut la conserver à tout prix pour en faire un outil répressif. Un mur infranchissable. Un filet pour ramasser tous ceux qui essaient de la traverser. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, d'Edouard errant avait écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Elle est morte le matin, en était différent. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, oh mon amour, mon orpheline. et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Une nouvelle réalité monstrueuse. Que Jean photographie aussi, malgré l'interdiction des Allemands. Cette jeune fille, assise sur ce banc, ignore évidemment que les dignitaires nazis ont décidé de mettre en place la solution finale quelques semaines plus tôt, en janvier 42. Elle ne peut donc pas savoir qu'une arrestation sur la ligne de démarcation, c'est désormais la première étape de la déportation vers les camps de la mort. La première étape de l'extermination. À Paris, au 14 de la rue de Lettres, dans le quartier de Ménilmontant, Henri Ostrowiecki, âgé de 5 ans, est au lit ce matin du 16 juillet 42. Il a la rougeole. Je me suis réveillé, et surtout réveillé en sursaut, par deux mots, ouvrez police. Et après, ma mère est allée ouvrir, était en robe de chambre, et là, j'ai vu, du lit dans lequel j'étais, trois hommes, deux en uniforme de la police parisienne et un en civil. Celui qui est en civil donnait des ordres aux deux autres, comme quoi il fallait faire vite, très vite. Et donc, ma mère s'est habillée rapidement. Ce dont je me souviens, c'est le bruit « Ouvrez police ». Ça a été gravé immédiatement et ma vie a basculé à ce moment-là. Organisé par le régime de Vichy, à la demande des Allemands, et exécutée par la police française, la plus grande rafle de l'histoire de l'occupation vient de débuter à Paris. La rafle du Vélodrome d'hiver. Près de 13 000 juifs sont arrêtés ce jour-là et le lendemain. Parmi eux, Henri et sa maman. Le petit garçon ne sait pas où est son père, arrêté l'année précédente. À quelques rues de là, Lucienne est également raflée, aussi avec sa mère. Son père et son frère cadet ont pu se cacher dans les combles de leur immeuble. Les deux femmes sont emmenées dans un parking près du métro Pyrénées. Il devait être vers les 9h et on voyait les gens arriver. Et devant, on voyait déjà des bus. C'était ces fameux bus qui sont allés aux Veldives quand il y a eu cette rafle. Et on voyait des gens, c'était terrible parce que on voyait le tempérament de chaque personne. Des gens qui hurlaient et d'autres, je me souviens d'un monsieur qui était assis par terre avec deux enfants, il avait un pot de confiture et du pain, il leur tartinait du pain, il était dans l'acceptation. Honnêtement, je ne me rendais pas compte. Je me rendais compte que ma mère était là, était forte. Et je ne sais pas, j'étais avec ma mère. Et alors à chaque moment, il y avait le haut-parleur qui disait « Dépêchez-vous, montez dans les bus, il y aura du lait pour les enfants. » Ma mère, elle avait déjà vécu une expérience avec mon frère, elle me disait « On a le temps d'y aller au bus, reste là. » Alors que Lucienne et sa mère attendent dans leur parking, chez Henri, les événements s'accélèrent. Un des policiers prend le petit garçon dans ses bras et l'emmène avec sa maman Square Sorbier, en haut de la rue de Ménilmontant. Beaucoup d'autres familles juives du quartier y sont déjà, pour être embarquées aux Veldives. Et j'ai vu ma mère, et dans mon souvenir, elle est montée dans une espèce de fourgon, on dirait le panier à salade, là où il y avait un escalier métallique. Je revois son regard, et là, il y a un phénomène un peu curieux. J'ai l'impression d'être dans une bulle de silence, et il devait y avoir des cris, avec des dizaines ou des centaines de personnes autour de moi. Et pour moi, je l'ai vécu comme étant un moment d'isolement entre elle et moi. On était fascinés, elle par moi, moi par elle. Et elle a tourné la tête vers moi. Et elle a disparu. Et ensuite, dans mon souvenir, il y a un rideau qui tombe. Sa mère est directement internée à Drancy, en banlieue parisienne. 90% des Juifs déportés de France transiteront par ce camp avant d'être envoyés en Allemagne ou en Pologne. Henri, lui, est conduit par la police à l'hôpital Rothschild pour soigner sa rougeole. C'est le seul établissement parisien autorisé à accueillir des Juifs. Que va-t-il devenir, ce petit garçon de 5 ans qui est seul maintenant ? A-t-il la moindre chance de franchir la ligne de démarcation et d'atteindre la zone libre ? De leur côté, Lucienne et sa mère sont miraculeusement libérées par un inspecteur de police qui les laisse quitter le parking et rentrer chez elles. Il vient de leur sauver la vie. 2 jours après, sur le boulevard de Belleville, évidemment, j'avais mon étoile jaune encore, parce qu'on n'avait pas encore compris qu'il ne fallait pas la garder. Et l'inspecteur de police qui m'avait laissé sortir, il était avec un groupe d'autres inspecteurs et il me voit. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Vous n'avez pas encore quitté l'appartement ? Faut partir ! Vous êtes en danger. » Et puis à partir de là, il a fallu trouver un passeur. Et comment trouver un passeur ? 15 ans et demi, je peux pas, qu'est-ce que je fasse ? Puis j'ai une étoile quand je sors. De nationalité polonaise, ses parents risquent une nouvelle arrestation à tout moment. Alors ils se cachent en banlieue. C'est à Lucienne que revient l'immense responsabilité d'organiser la fuite de toute la famille. Les Mandelbaum ne sont pas les seuls à vouloir s'échapper. Par son ampleur sans précédent, la rafle du Veldiv entraîne un véritable exode vers la ligne de démarcation. Au même moment, à Dijon, un drame frappe la famille de Jean. Le 21 juillet 1942, René, son grand frère, est arrêté par une patrouille allemande au pont de Navilly. Le jeune homme, qui vient d'avoir 17 ans, faisait passer la ligne de démarcation à une quinzaine de personnes. Le 25 juillet, à 6h du matin, la Gestapo débarque, 43 rue Sommez. Ils sont rentrés, ils ont toqué. Je dormais dans la salle à manger et ma mère dormait dans une chambre au fond de l'autre côté. Mon père, comme il était malade, avait sa chambre de l'autre côté aussi. Donc ils ont envahi, ils l'ont interpellé dans ces coins-là. Moi, ils m'ont pas touché. Il n'y a pas eu d'éclat, il n'y a pas eu de bagarre. Moi, j'ai pas de souvenir de quoi que ce soit. Le jour de l'arrestation, il y avait un prisonnier qui était dans notre grenier. Donc les toilettes étaient dans les escaliers en dehors de l'appartement. Donc j'ai dit, je vais aux toilettes. Bon ben, les teutons m'ont laissé passer. Et puis là, je suis monté, et puis je lui ai dit, surtout tu bouges pas, hein, pas de bruit. Tu bouges pas, qu'on entende, si tu entends du monde ou des gens qui parlent, ben tu t'écrases, tu dis rien. C'est là, ben il bougeait pas, hein. Il avait pas intérêt. Jean redescend du grenier et assiste impuissant à l'arrestation de ses parents. Quelques heures plus tard, il indique aux prisonniers qu'il n'y a plus de danger. La voie est libre. À seulement 13 ans, il vient de sauver la vie de cet homme. Toute la famille de Jean est entre les mains de la Gestapo. L'adolescent est seul maintenant. À Paris, Lucienne a trouvé, grâce à l'aide de l'une de ses tantes, le moyen de franchir la ligne de démarcation, dans un camion de livraison de viande. À la mi-août 42, c'est enfin le départ. C'était un camion énorme. Alors quand nous sommes arrivés devant eux, ils nous ont dit, voilà, pour les 3/4 du voyage, vous allez être caché par des rideaux. Alors c'était des rideaux sanguinolents, puisqu'ils transportaient de la viande. Et quand on arrivera près de la ligne de démarcation, vous verrez ce qu'on fera à ce moment-là. Après plus de 250 km en direction du sud, une fois passée la ville de Bourges, la ligne de démarcation approche. Enfin. Ils nous font sortir de derrière et entre les... C'était immense, enfin ça avait la grandeur d'un cercueil, parce que c'était un cercueil. Entre des roues, des immenses roues, il y avait de chaque côté le plancher qui s'enlevait et on s'allongeait là pendant le passage de ligne de démarcation. Et ils ont stoppé, on a entendu parler en allemand, on a entendu les chevaux qui hennissaient, il va y avoir des chevaux, des cavaliers, je ne sais pas. Et puis on est parti. 5-6 kilomètres après, ils nous font descendre. Lucienne et sa famille sont en zone libre, sains et saufs. Pour le moment, ils marchent en direction de la petite ville de Saint-Florent-sur-Cher. Et il y a 5 gendarmes qui sont là. Où vous allez ? Papiers. Alors ils prennent nos papiers et puis ils nous ont emmenés. Quand on est arrivé au commissariat, ils nous ont fait asseoir. Tout ce que vous avez, vos papiers, l'argent, les bijoux, vous sortez tout. Il n'en restait pas beaucoup. Alors, on a mes parents tout donné. Et puis, ils nous ont dit, ben voilà, pour le moment, vous allez rester en résidence forcée. En arrêtant Lucienne et sa famille, les gendarmes appliquent les ordres. Ils font de la ligne de démarcation. Ce filet voulu par Vichy pour ramasser tous les juifs qui arrivent en zone libre. Je sous-signais Madame Ostroviec, née Gutmann, actuellement internée au camp de Drancy, bloc B, escalier 9, chambre 16, et demeurant avant son internement, 14 rue de Lettres. Toujours internée dans le camp de Drancy, la mère d'Henri écrit le 5 août 1942 à sa belle-sœur, Charlotte Ostroviecki, pour l'autoriser à récupérer son fils. Sa guérison de l'hôpital Rothschild. Mais le petit garçon, sous la surveillance de la police, n'a pas le droit de quitter l'hôpital Rothschild. Grâce à l'action d'un réseau d'évasion au sein même de l'établissement, Henri est exfiltré et retrouve sa tante. Quelques semaines plus tard, en Saône-et-Loire, il franchit avec elle la ligne de démarcation. Le passage de la ligne, on a voulu me mettre un mouchoir dans la bouche pour ne pas que je crie. Et j'ai regardé ma cousine en disant non, c'est pas la peine, je ne crierai pas. Donc j'avais conscience du danger dans lequel on était. Je pense qu'un enfant de 5 ans, il perçoit, il capte, certainement il amplifie. On m'a mis des chaussettes sur les chaussures pour ne pas faire de bruit. Donc si on m'a porté, on m'a pas porté tout le temps. Est-ce qu'on a marché longtemps? Je n'en sais rien. Et on me porte et je reçois des gouttes d'eau, il pleut. Et donc je me réveille donc, et j'ai le souvenir d'être allongé sur une banquette. Je suis après que c'était un hôtel. Henri est sauvé. Il vivra avec ses cousins jusqu'à la fin de la guerre, dans un petit village de Corrèze, en zone libre. Pour Lucienne et sa famille, la situation s'aggrave soudainement en septembre 42. Si son frère cadet est libéré par les gendarmes, son père est envoyé dans un camp de travail en Haute-Vienne. Sa mère, elle, est internée dans un autre camp, celui de Douadic, dans la Brenne. Lucienne l'accompagne. On dormait sur des paillasses, hein. Mais il y avait une espèce d'acceptation que moi j'ai ressentie. C'était certainement pas Drancy. Moi, je sortais, mais je faisais pas partie du camp. J'y étais volontairement. Je sortais acheter des pommes parce que je pouvais pas manger autre chose. C'était dégueulasse. On ne savait pas exactement ce qui se passait. On se rendait bien compte que c'était un rassemblement parce qu'il arrivait des gens. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était un camp de... On recrutait les gens pour les déporter. Ça, on ne le savait pas. Le camp de Douadic sert en effet à l'automne 42 de centre de regroupement des Juifs, arrêtés sur la ligne ou dans l'Indre par les autorités françaises, avant d'être envoyés à Drancy. Ces images du camp réalisées par Jeanne Billard, une jeune infirmière, sont postérieures au séjour de Lucienne et sa mère. Tournées entre avril et juillet 43, elles sont uniques. Ce sont les seules bobines amateurs connues à ce jour, montrant l'intérieur d'un des très nombreux camps de Vichy. Durant cette période, le quotidien reste difficile, bien que le ravitaillement se soit amélioré. Ses sourires, ses danses d'enfant, ses moments de vie, apparemment insouciants, surprennent, interrogent. Claire prend une décision radicale. In den Morgenstunden des 11. November an der deutsch-französischen Demarkationslinie. 7 Uhr. Auf Befehl des Führers treten deutsche motorisierte Verbände den Marsch durch das unbesetzte Frankreich zur Mittelmeerküste an. Quand ils ont passé la ligne en 42, c'était un prêt avec mon père. Aller labourer là, les terres qui sont de l'autre côté de la route. Et nous étions en train d'atteler nos mains. J'ai entendu un ronflement. C'est important, qu'est-ce que c'est que... Nous sommes sortis, on en a dit, les Allemands. Deutschland beantwortet damit den englisch-amerikanischen Überfall auf französisch Nordafrika und kommt der geplanten Feindlandung an der südfranzösischen Küste zuvor. Ils sont arrivés, un gars est descendu, un officier est descendu, il a levé la barrière et il s'est adressé à moi, il m'a dit, nous venons de la part du maréchal Pétain pour défendre la France. Et il a fini de lever la barrière et les camions sont passés. Les Français ne sont évidemment pas dupes de la propagande allemande. Ils savent que les troupes nazies ne poursuivent qu'un seul objectif en envahissant la zone libre. Protéger le Troisième Reich contre une future attaque alliée pour libérer l'Europe. Et ils voient aussi que l'arrivée des Allemands n'entraîne pas la suppression immédiate de la ligne de démarcation. André Goupil, le vétérinaire et passeur dans la Vienne, raconte. Les douaniers n'en continuèrent pas moins leur patrouille. Ils firent d'ailleurs toujours quelques arrestations parmi les passages. Et cela malgré la présence des soldats allemands de chaque côté de la ligne. Les Français doivent attendre encore plus de 3 mois pour voir la ligne disparaître définitivement. C'en sera alors fini des postes de contrôle et des Ausweis. La vie quotidienne retrouvera enfin une certaine normalité. Vichy s'empresse de présenter l'événement comme un grand succès politique. La ligne de démarcation établie depuis l'armistice n'est plus, à partir du 1er mars, un obstacle au voyage même privé, au coup de téléphone, à l'échange de lettres. Les cartes interzones ne sont plus. La France recueille les substantiels résultats de sa collaboration à la lutte contre le bolchevisme, reconnue ainsi par le Reich. Mais comment le maréchal Pétain peut-il espérer convaincre? Sans ligne de démarcation ni zone libre, plus rien ne justifie son pouvoir. Son autorité disparaît. Si l'occupant conserve les deux zones, dénommées à présent zone nord et zone sud, le régime de Vichy est plus que jamais une fiction politique absurde. Déployé sur tout le territoire, les forces nazies font peser une menace permanente. Plus personne n'est à l'abri d'une arrestation, d'une déportation. Avec la disparition de la ligne de démarcation, c'est maintenant une nouvelle étape de l'histoire de la France et des Français dans la guerre qui débute. Une étape tragique parfois, mais une étape décisive. Bientôt, viendra le temps des combats menés par les maquisards, les résistants, les défenseurs de la liberté pour la victoire finale. La libération de la France, pour laquelle tant de passeurs devenus résistants risqueront leur vie. Mon père était l'initiateur de ces parachutages et il avait recruté 8 autres personnes dont on était très sûr évidemment. Et il y a eu 2 parachutages dont les codes étaient le Mars vent au poids et venez quand même, on s'arrangera. Et ça, on l'entendait dans le brouhaha de Londres. Et on savait que le lendemain, Il fallait au lieu précis récolter les armes. En tenant compte du couvre-feu du soir et du matin, il fallait que le camion aille se planquer avant le couvre-feu et qu'il ressorte plein d'armes au lever du couvre-feu. Les conteneurs, c'était ça les uns dans les autres, c'était comme des grands tuyaux et c'était très lourd. Et les garçons ont dépoté les armes, ont regardé ce qu'il y avait dedans, des mitraillettes, il y avait beaucoup de plastique, on aurait pu faire sauter le département. Et ils les mettaient dans cette cuve. Alors cette cuve est creusée dans le roc. Ça, c'est un ancien pressoir, et là où le vin marinait, si vous voulez, c'était dans cette cuve. Quand les armes étaient dedans, le maçon murait cet endroit et le décorateur imitait les pierres que vous voyez et patinait les pierres, de sorte que ça ne se voyait pas du tout. Et quand la Gestapo est venue plus tard avec des pics pour sonder notre cave, ils ont sondé à ça de la cloison. S'ils avaient sondé un petit peu plus haut, je ne vous le raconterai pas aujourd'hui. Après ce parachutage, le père de Monique échappe à la Gestapo et rejoint le maquis. Arrêtée, sa mère est déportée à Ravensbrück. Elle retrouvera Montrichard fin mai 1945. Comme les parents de Monique, André Goupil et sa famille rejoignent la résistance après la suppression de la ligne. Ils sont tous arrêtés en 1944 et déportés. Miraculeusement, ils se retrouveront tous dans leur village de la Vienne à la fin de la guerre. Jean Chauvin met ses talents d'observateur et de dessinateur au service de la résistance à partir de 1944. Après-guerre, il deviendra médecin et restera à Tours. À Dijon, Jean ne reverra pas son frère René, mort dans le camp de concentration de Dora, en Allemagne, le 25 mars 1945. Blanche, sa mère, reviendra de déportation après 33 mois de captivité. Le petit Henri, lui, ne retrouvera jamais ses parents, exterminés tous deux à Auschwitz. Lucienne parviendra à quitter le camp de Douadic avec sa mère en décembre 1942. Toute la famille se retrouvera dans l'Aveyron et y restera jusqu'à la fin de la guerre. Ils retourneront à Paris après la libération. Et la vie reprendra. On a une grue sur le vieux port, avec des dents longues comme la faim, et qui dégrafe tous les marins, ont l'âme chagrine et le cœur d'or. C'est à Marseille que je vais la voir, quand le soleil se fout en tweed, et que le mistral joue les caïdes, c'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit, et des froufrous qui font tant de bruit, qu'on les entend au bout du quai. Un peu de soi, c'est une putain qui aime que la braise, et moi j'appelle la Marseillaise, c'est bien de moi que je me vois. Arrête un peu que je vois si tu fais le poids. Et si j'en aurais pour mon fric, arrête un peu que je vois si les étoiles. Combien je te dois. Je connais une grue dans mon pays, avec les dents longues comme le bras, qui dégrafait tous les soldats qui avaient la mort dans leur fusil. C'est à Verdun qu'on peut la voir, quand les souvenirs se foutent en prise, et que le vent d'Est s'analyse, et que les médailles font le trottoir. soit embarqué. Tous les traînes putains qu'elle rencontre, et il paraît qu'au bout du compte, ça en fait un drôle de paquet. Mettre un peu de soi, au fond c'est une chanson française, mais qu'on l'appelle la Marseillaise, ça fait bizarre dans ses coins. Arrête un peu que je vois si t'as de la voix. Si j'en aurais tous mes galons, arrête un peu que je vois, et puis que j'abreuve tous vos sillons. Et je vous dirai combien ça fait. Je connais une grue qui a pas de principe, les dents longues comme un jour sans pain, qui dégrafait tous les gamins, fumant leur vie dans leur casse-pipe. C'est dans les champs qu'elle traîne son cul, où il y a des croix comme des oiseaux, des croix blanches plantées pour la peau des autres, bien entendu. Celle-là, on peut jamais la voir, à moins d'y voir les yeux fermés. Elle périscope dans les trous de nez, bien allongée sous le boulevard. Suffit de leur filer quatre bouts de bois, et de faire leur lit dans un peu de glaise, et de leur chanter la Marseillaise, et de leur faire une belle jambe de bois. Arrête un peu tes cuivres et tes tambours. Arrête un peu tes cuivres, que je puisse finir ma chanson. Le temps que je baise ma Marseillaise. La productivité, c'est le nouveau credo de la reconstruction. Des centaines d'ouvriers et de patrons sont envoyés aux États-Unis. Ils en rapportent des techniques nouvelles, mais surtout des rêves d'opulence, dont la voiture est le symbole le plus éclatant. Aux avant-postes de cette industrie rénovée, les ouvriers de la régie Renault en produisent par milliers dans leur usine de Flins, flambant neuve. Synonyme de puissance et de liberté, bientôt tout le monde possédera sa voiture dans la France reconstruite. This is Caen. It's a symbol of the new partnership that is healing wounded France. Grâce au crédit américain, les villes bombardées renaissent enfin de leurs cendres. Le ministère de la Reconstruction est aux commandes. Ses architectes sont à Lisieux, à Saint-Malo, à Gien, à Caen. Ils ont pour consigne de rebâtir vite, avec des techniques industrielles, mais aussi de faire basculer les villes dans le progrès, apporter lumière, espace et confort aux habitants. Les débats font rage. Faut-il reconstruire en donnant un aspect ancien aux villes, comme ici à Saint-Malo, ou en profiter pour révolutionner l'architecture, comme au Havre? Le Havre est ressuscité. Les derniers baraquements disparaissent devant les immeubles d'allure moderne. Et dominés par les nouveaux gratte-ciels qu'édifia l'architecte Auguste Perret, son nouvel aspect ne manque pas de grandeur. Le Havre a été entièrement reconstruite en béton. Et personne n'avait imaginé qu'elle aurait cet air de belle ville classique. Les habitants avaient supplié le ministère de les débarrasser de cet architecte aux idées trop modernes. Après des années dans des cités d'urgence, ils prennent possession d'appartements clairs et organisés, dotés d'un luxe jusque-là réservé à une élite. Derrière ces publicités du ministère, des milliers de relogés découvrent ces espaces nouveaux qui donnent forme aux idéaux de l'après-guerre. À Marseille, l'architecte Le Corbusier va encore plus loin. Il a obtenu du ministre de construire un immeuble d'un type nouveau. Dans sa cité radieuse, c'est son nom, Le Corbusier met toute une ville à la verticale. Tout y est nouveau. Les duplex et leur cuisine ouverte, les rues intérieures avec leur commerce. Et tout en haut, une école sur le toit. C'est si fou que la cité est rebaptisée la Maison du Fada. Mais les charmants enfants de la cité radieuse sont pourtant loin de refléter la vie de la grande majorité des petits Français, qui sont, depuis la fin de la guerre, de plus en plus nombreux. Une autre révolution est en marche. La France, qui n'a jamais fait beaucoup d'enfants, se met à en faire de plus en plus. Et les familles s'entassent dans des appartements sans confort. La construction de logements stagne, et alors que la France est en train de se relever, ses vêtements craquent de partout. Ça fait combien de temps est-ce que vous êtes ici? 9 ans. Ça va faire 9 ans. On va sur la 10e année. Et on manque de place. Bon, c'est terriblement de place. Vous, monsieur, quand vous rentrez le soir et que vous trouvez votre femme en train de servir à manger aux 4 enfants, je suppose que vous n'avez pas beaucoup de place pour circuler dans la pièce. Je suis forcé d'aller sur le canapé, de me coucher, prendre mon journal, lire, en attendant que les enfants aient fini de manger. Le canapé, je l'ouvre le soir, avant de se coucher. Voilà, voilà, sur les plis. Mais quand ce lit est complètement déplié comme il l'est maintenant, il bouge complètement l'entrée de la pièce. Complètement. Je mets les deux grands en haut et les deux petits en bas, tête bêche. Mais comment est-ce que vous ferez quand ils seront plus grands? Bah, voilà, c'est le problème. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. L'abbé Pierre ne fait pas simplement appel à la charité des Français. Il veut pousser les politiques à agir. Telle la puce, il harcèle ceux qui, au pouvoir, avaient ignoré les plus souffrants. Le voici qui devient financier, ce bâtisseur. Avec le constructeur Jean Prouvé, il montre qu'on peut construire une maison en 6 heures et que les techniques industrielles pourraient combler les besoins en logement. À Paris, sur les terres de la Seine, s'édifie en moins d'une journée devant son promoteur, l'abbé Pierre, la première d'une série de maisons préconditionnées construites grâce aux résultats d'une campagne de solidarité. 25 000 visiteurs viennent admirer la simplicité de la maison des jours meilleurs. Le ministère cherche lui aussi à construire à bas coût, mais il ne veut pas de maison individuelle. Ses modèles sont au Havre ou à Marseille, des immeubles collectifs et modernes qui pourront loger des millions de Français. Mais l'argent manque toujours. Une partie des crédits américains est siphonnée depuis 1946 par l'armée, qui mène en Indochine une guerre coloniale perdue d'avance. Le 7 mai 1954, l'armée est défaite à Dien Bien Phu. Des milliers de soldats français sont faits prisonniers. Au lendemain de la débâcle, une crise politique majeure éclate. Il faut de toute urgence terminer cette guerre. Lors des cérémonies du 8 mai, comme chaque année, De Gaulle est là. Debout, comme hier, dans sa décapotable, le vieux général guette la tournure des événements. Le général De Gaulle, à son tour, vient fleurir la dalle sacrée de l'Arc de Triomphe de Paris, où son groupe... Cela fait 8 ans qu'il attend que la 4e République s'effondre. 8 ans qu'il est cantonné aux commémorations. 8 ans qu'il ronge sans frein. Il est persuadé que cette fois, son heure a sonné, que les Français vont le ramener au pouvoir. Alors qu'il quitte le terre-plein de l'Étoile, plusieurs groupes de ses partisans, malgré le barrage d'importantes forces de police, envahissent les Champs-Élysées et tentent de se diriger vers les ministères. La 4e République vacille, mais tient bon. De Gaulle est désormais interdit de radio. Pour mettre fin à la guerre, les députés nomment un des leurs. Pierre Mendès-France tranche avec De Gaulle. Et avec tous ceux qui se sont succédés au pouvoir depuis 1946. Il a cette manière simple et directe de s'adresser aux Français. Il n'est plus temps de s'appesantir sur les erreurs passées. Il faut maintenant rétablir la paix. Une paix de compromis, une paix honorable. J'affirme que cela est possible. Mendès-France fait la paix en Indochine, redore l'image de la France dans le monde. Et chaque semaine, à la radio, il remet les Français en ordre de bataille. La France a de grandes ressources intérieures. Le mal, c'est le retard de son organisation économique. Produire plus et produire mieux et produire à meilleur compte, c'est la clé de nos difficultés. En cette année 1954, la France paraît soudain plus moderne. Quelque chose a changé. Les nouvelles piles atomiques de Barcoules, G2 et G3, profil sur la campagne provençale,

chaque nuit en avare, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Des problèmes articulaires très importants avec des douleurs importantes et on a découvert que j'avais une chondrocalcinose. J'étais donc traitée par un médicament bien particulier pour cette chondrocalcinose. Au bout de quelques temps, j'ai commencé à avoir de gros problèmes de digestion. Mon médecin était plutôt inquiet, c'était vraiment très douloureux et très embêtant. Alors, et quand on a fait scanner, et ben voilà, on a découvert que j'avais une tumeur au rein droit. Je l'ai su 2 jours après le scanner parce qu'on m'a appelé, mon médecin m'a appelé en me disant il faut passer rapidement au cabinet, il faut que je vous voie. Il y a un truc qui ne va pas avec votre rein. Donc quand je suis arrivée chez le médecin, j'y suis allée avec ma sœur qui travaille dans le milieu hospitalier. Le médecin me dit, bon, bah oui, il y a un problème avec votre rein. Et là, je lui dis, j'ai un cancer. Il me regarde, il me dit oui. Me connaissant, ma sœur et mon médecin se sont dit, oh là là, Dominique va s'écrouler, ça va être la catastrophe. Et pas du tout. Mon père ayant eu un cancer quand j'étais ado, je me suis dit, il s'est battu, il a vécu 15 ans de plus. Et ben toi, tu vas te battre aussi, tu vas le gagner. Donc tout de suite, j'ai demandé au médecin ce qu'il fallait faire. Et puis j'ai dit, ben, on se jette dans la bataille et on y va tout de suite. Parce que moi, je ne veux pas attendre, donc c'est maintenant qu'on le fait. Ma maman a été particulièrement touchée parce que mon père avait eu un cancer. Et donc on a vécu avec ça pendant longtemps et c'était pour elle un peu compliqué. Bon, ma sœur, tout de suite, elle m'a soutenue, il n'y a pas eu de souci. Ça n'a pas été facile, mais bon, ça s'est passé de façon relativement sereine. Aucun traitement. On fait uniquement un contrôle scan une fois par an. J'ai une néphrectomie partielle qui a été faite tout de suite puisque c'était très localisé. J'avais un cancer de 3 cm vraiment dans le bas du rein, ce qui fait qu'il était relativement facile de l'enlever. Et puis en plus, bon, j'avais eu la chance, du coup il n'y avait pas de métastase qui s'était infiltrée ou que ce soit. Oui, j'ai divorcé quelques temps après. Je pense que c'était quelque chose qui était déjà en route, mais le cancer a été un catalyseur. Je pense que ce jour-là, à l'annonce, je pense que j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, je peux pas continuer ma vie comme ça. Je m'occupais des autres et pas de moi. Et là, ben, du coup, ça a été le flash, quoi. Oui, je me suis découverte beaucoup plus forte que je ne me croyais. Et tous les gens qui étaient autour de moi aussi, puisque voilà, on n'aurait pas imaginé que je me serais battue comme ça. Je pense que ça a développé chez moi une envie de vivre assez, plus qu'importante. Et qui dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Ce qui fait que j'étais beaucoup plus forte dans tous les domaines. Malgré que je n'ai pas eu de chimiothérapie ou de radiothérapie, la fatigue, elle est là. Moi, je sais que j'ai eu d'énormes problèmes de mémoire depuis que j'ai eu mon cancer. Je suis du coup un peu le témoin du fait que ben tous les trucs qu'on a après le cancer, c'est pas toujours dû à la chimiothérapie, à la radiothérapie. C'est aussi dû simplement, je pense, au fait que votre corps il a subi un cancer et que du coup ça fonctionne plus tout à fait de la même façon. J'ai toujours des problèmes de concentration très importantes et des problèmes de mémoire assez importantes. Je suis obligée de noter énormément dans mon travail et dans ma vie de tous les jours parce que sinon j'ai tendance à oublier les choses. J'ai découvert la passion de la peinture. Je peins depuis 3 ans à peu près. Ça, c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup de bien. Parce que pendant les heures où on est sur le tableau, ben on pense pas. On pense pas à sa maladie, on pense pas à ses douleurs. Parce que moi, j'ai d'autres maladies qui se sont inscrites derrière. Enfin bon, j'ai une fibromyalgie, enfin bref, plein de petites choses bien embêtantes. J'ai été arrêtée pendant 8 mois au total, à plein temps. Ensuite, j'ai repris à mi-temps thérapeutique mon travail, parce qu'en plus, c'était un travail assez actif physiquement, donc c'était un peu compliqué. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai repris à plein temps. Alors, le cancer, déjà, quand j'ai eu l'annonce du cancer, j'ai travaillé, alors j'étais responsable du pôle entretien. C'est moi qui leur ai annoncé à mon groupe, à mon équipe, que j'avais un cancer et que j'allais partir pendant quelques temps. Je voulais leur annoncer. Pour moi, ça a été toujours facile de parler de cette maladie puisque j'avais décidé de me battre. C'est vrai que j'ai revu un peu mon alimentation. Je me suis un peu adaptée sur ce qu'on explique maintenant. Essayer de moins manger. Enfin, déjà, je ne suis pas très sucrée, mais j'ai encore éliminé encore plus le sucre. J'ai limité le café, je me suis mis au thé vert. C'est un peu difficile quand on se... Parce que l'urologue va vous opérer, il vous enlève votre tumeur. Après, il va vous voir la première année, je pense, je l'ai vu, j'ai dû le voir une fois tous les 3 mois pendant 6 mois. Puis après, on vous repousse à 6 mois. Et puis après, c'est une fois tous les ans. Donc là, il y a cette ambivalence de j'ai été malade, mais on me laisse tout seul. Ça, c'est compliqué. Mon médecin généraliste, par contre, il a toujours été présent tout le temps. Donc c'est vrai qu'il m'a énormément soutenue. Et comme j'avais déjà en effet entamé une psychothérapie juste 3 mois avant de savoir que j'avais mon cancer, j'ai continué ma psychothérapie évidemment parce que ben c'est important aussi de... Et puis j'avais besoin d'avancer dans ma vie personnelle et c'est ce qui fait que voilà, quelques temps après j'ai divorcé. Alors ça se fait énormément justement pour les gens qui sont suivis en chimiothérapie, en radiothérapie. Ils ont un suivi, ils ont la possibilité de voir un psychothérapeute, ils ont la possibilité de faire partie de groupes de gens qui se retrouvent ou de soins qu'on leur donne. Ça va être des soins de maquillage ou d'autres choses. Mais ça n'existe pas pour les gens qui n'ont pas de chimiothérapie et de radiothérapie. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros manque dans notre façon de gérer le cancer qui n'est pas suivi de ces traitements-là. Mon aide psychologique et puis l'association qu'on a créée qui m'entourait. C'est, voilà. J'ai pallié le manque du milieu médical par quelque chose d'extérieur, cette association de patients qu'on a créée. Et puis le psychologue qui m'a beaucoup aidée. Au moment où j'ai eu ma néphrectomie, là j'ai eu, ouais. C'est le moment où j'aurais eu besoin de plus et c'est le moment où tout manquait. Dites stop à l'augmentation du prix de l'énergie en faisant installer une pompe à chaleur 100% financée par l'État et les économies réalisées. L'État français veut équiper l'ensemble des propriétaires de maisons d'une pompe à chaleur pour combattre la flambée des prix du gaz et du fioul. En effet, la pompe à chaleur est aujourd'hui la solution la plus performante et économique. Pour savoir si vous êtes éligible à ces aides, nous avons mis en place un questionnaire rapide qui vous prendra moins de 30 secondes. Cliquez sur le lien autour de cette vidéo pour accéder à ce questionnaire. En additionnant l'ensemble des aides gouvernementales auxquelles vous avez le droit, les économies d'énergie réalisées et en y associant un montage financier, des entreprises sont capables de vous proposer l'installation d'une pompe à chaleur sans rien débourser. Les reins jouent le rôle de filtre. Ils mettent de côté les déchets de l'organisme et les évacuent par l'urine. Ils sont également le siège de cancer. En 2018, on détecte plus de 15 000 nouveaux cas de cancer du rein, majoritairement chez les hommes. Pour en discuter, je reçois le docteur Ronan Flippot. Il est oncologue médical et spécialiste du cancer du rein à Gustave Roussy. Bonjour docteur Ronan Flippot. Bonjour Céline. Quels sont les principaux types de cancer du rein ? Le cancer du rein est un cancer du rein où il y a, grosso modo, un type principal. Alors, on l'appelle communément le cancer à cellules claires du rein. Il existe d'autres cancers plus rares qui représentent à peu près 20 à 25% du reste des cancers du rein. Donc c'est vrai que dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur le cancer à cellules claires, puisque les autres 25% représentent des cancers relativement rares. C'est pas une autre entité, c'est des dizaines d'autres petites entités qui viennent de différentes parties du rein et qui peuvent avoir des facteurs de risque un petit peu différents. Et puis des histoires également, une sensibilité au traitement un petit peu différente. Et ça relève vraiment de discussions au cas par cas. Et donc en ce qui concerne le cancer à cellules claires du rein, en fait, celui-ci émerge de l'unité fonctionnelle du rein. En fait, il faut savoir que le rein comme organe, c'est un gros filtre. Et il y a de multiples petites unités qui s'appellent les glomérules, où vont passer des vaisseaux sanguins, et où certains produits dérivés vont être filtrés pour aller constituer l'urine. Et donc ce cancer vient du glomérule, et puis du début du circuit de filtration de l'urine, qui s'appelle le tubule. Dans de très rares cas, on peut avoir des tumeurs du rein qui ne sont pas des tumeurs qui émergent du rein et qui sont ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire que ce sont des lésions certes tumorales, mais qui viennent d'une tumeur émergeant d'un autre organe. Et donc là, on n'est pas du tout dans la même situation. Ce n'est pas un cancer du rein, mais c'est bien un cancer d'un autre organe qui a donné des lésions rénales et donc qui, dans ce cas, va être pris en charge comme le cancer de l'organe d'origine. Comment un cancer du rein est-il On peut avoir du sang dans les urines, ce qu'on va appeler la maladie peut être découverte à l'occasion de symptômes. Alors, je vais apporter une petite nuance. Il peut y avoir des différences sur les éléments de laboratoire, si vous voulez, sur les dosages de créatininémie, de ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. Je vous ai parlé du glomérule. La filtration glomérulaire, c'est la capacité de filtration rénale. Il peut y avoir des différences, mais bien souvent, cela n'impacte pas la vie quotidienne, cela n'impacte pas les symptômes au quotidien. Par contre, ça peut quelquefois nécessiter que le médecin fasse des adaptations thérapeutiques pour que les médicaments qu'il donne soient bien éliminés. Et si on ne voit aucune lésion métastatique, le standard, on se pose beaucoup la question de radiothérapie complémentaire, de chimiothérapie. Il faut savoir que dans le cancer du rein, au stade localisé, aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, certains traitements complémentaires sont à l'étude, et notamment les traitements de type immunothérapie. On en parlera tout à l'heure, donc je vous expliquerai ce que c'est. Et ces traitements-là sont encore à l'étude et ne sont pas encore remboursés. Il reste encore à voir s'ils apportent un réel bénéfice sur le risque de rechute et ce qu'on appelle finalement la durée de vie, la survie au long cours. Ça, c'est pour le stade localisé. Donc en résumé, stade localisé, une chirurgie, partielle ou totale en fonction, et puis aujourd'hui pas de traitement complémentaire, mais bien sûr une surveillance avec des scanners réguliers pendant plusieurs années. La situation elle est tout autre au stade que l'on appelle métastatique, parce que bien souvent au stade métastatique on a d'autres lésions qui sont pas seulement dans le rein, qui atteignent d'autres organes. Et bien souvent dans ces situations-là, il n'est pas possible d'enlever chirurgicalement l'ensemble de ces lésions. On va devoir avoir recours à un traitement global, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur une lésion puis l'autre, mais avoir un traitement qu'on appelle systémique. Et donc, ce traitement systémique, aujourd'hui, repose sur deux grands types de produits, l'immunothérapie et ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Je vous explique en quelques mots le principe. L'immunothérapie est un stimulant du système immunitaire. Et le but du jeu, c'est que on arrive à stimuler assez le système immunitaire pour qu'il puisse s'attaquer directement aux cellules tumorales, qu'il puisse s'activer contre les cellules tumorales. Les immunothérapies sont par voie intraveineuse. Et en ce qui concerne les thérapies ciblées, le deuxième type de médicament, il s'agit cette fois-ci de thérapies par voie orale, qui, elles, vont viser à bloquer la circulation sanguine qui irrigue les différentes lésions tumorales, pour, entre guillemets, asphyxier ces différentes lésions et pour pouvoir faire en sorte que les cellules tumorales meurent à ce niveau. Donc je vous ai dit qu'il y avait ces deux grands traitements et ce sont les traitements qu'on va donner aujourd'hui en combinaison. On a deux grands types d'attitudes. Soit on donne deux immunothérapies ensemble en combinaison, soit on va donner une immunothérapie en association avec une thérapie ciblée. Alors là encore, je me permets de faire un parallèle avec la pneumonie, même s'il n'y a pas de bactéries. En ce qui concerne le tube digestif, on peut avoir des diarrhées suite à une colite, même si, là encore, il n'y a pas de germes associés. Alors, tout cela est relativement peu fréquent. Hein. Moins de la moitié des personnes qui sont traitées par immunothérapie ont ce genre d'effets secondaires. Mais ce sont des choses à surveiller de près et que les médecins savent surveiller de près parce qu'on sait que pour à peu près un patient sur cinq, ça peut être plus sévère et ça peut nécessiter des traitements visant à faire baisser l'immunité qu'on appelle les corticoïdes. Ça reste des traitements par contre au quotidien qui sont très bien tolérés, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens vivent le plus normalement du monde en dehors de ces injections qui sont toutes les 2, 4, 6 semaines en fonction du médicament utilisé. Comme c'est un traitement qu'on donne par comprimé au quotidien, on peut d'un jour à l'autre se dire qu'on baisse la dose ou qu'on ajuste le schéma. Ça c'est pour ce qui est visible, on peut aussi avoir quelques aftes. Pareil, on peut adapter le traitement ou donner des bains de bouche adéquats pour faire cicatriser. Et puis dans les effets secondaires qui sont beaucoup plus rares avec ces thérapies ciblées et qu'on ne ressent pas forcément en tant que patient, c'est qu'on peut notamment avoir une augmentation de la tension artérielle. Donc ça c'est un point qui est à surveiller au niveau médical. Et puis on peut avoir des troubles notamment de cicatrisation, des choses comme ça, avoir la tendance à saigner plus facilement ou à au contraire faire des caillots un peu plus facilement. Là encore, c'est assez rare, toutes ces complications. Bien souvent, ça ne se ressent pas. Mais c'est à prendre en compte d'un point de vue médical. Et en ce qui concerne la question de la cicatrisation, nous, c'est des choses que l'on appréhende de manière spécifique quand, par exemple, on se prépare à faire une chirurgie pour X raison. Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé. Les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous on connaissait la chanson. Tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. La revue de presse, présidentielle 2022, Made in France. Made in France. Alors, peut-être qu'on est sur une radio libre ou sur une radio locale, ou les deux. Alors, évidemment, on cause pas en anglais, hein. Enfin, de temps en temps, mais pas trop souvent quand même, hein. Made in France. Nein, hergestellt in Frankreich. Alors, ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg avait lancé en 2012 le label Fabriqué en France. Fabriqué en France, tiens. Il savait parler français, Arnaud Montebourg. Aujourd'hui encore, il représente à peine 3% des vêtements et textiles achetés par les ménages français. Et oui, comment on fait pour acheter autant à l'étranger? Comment on fait? Comment font nos dirigeants, nos gouvernants, ceux pour qui on a voté, enfin on? À définir, on. Qui est on? Moi, j'ai pas voté pour ces gens-là. Opposée à la loi travail, elle refuse d'être honorée par Valls. Alors, c'était le lundi 30 mai 2016. Vous voyez, c'est ancien, hein. L'humanité.fr. Camille Sénon est restée jusqu'à l'aube des années 80 une militante et dirigeante importante de la CGT et du PCF. Alors, CGT, Confédération Générale du Travail, du PCF, Parti Communiste Français, au chèque postal dans le 15e arrondissement de Paris et à la Fédération CGT des PTT. Alors, par solidarité avec le mouvement social contre la loi travail, Camille Senon, 93 ans, rescapée du massacre d'Oradour-sur-Glane en 1944, a opposé une fin de non-recevoir à la proposition du Premier ministre de l'élever au rang de commandeur de l'Ordre National du Mérite. Accepter cette distinction aujourd'hui serait, explique-t-elle, renier toute ma vie militante pour plus de justice et de solidarité, de liberté, de fraternité et de paix. Voilà, et il y en a une page complète, comme ça. Jean-Luc Mélenchon, 24-12-21. Réforme de l'assurance chômage de Macron, maltraitance sociale. Un chômeur sur deux seulement indemnisé. Pour eux, ce sera plus de précarité. En face, un emploi vacant pour 21 chômeurs dans le pays. Si je suis président en 2022, on luttera contre le chômage, pas contre les chômeurs. Si je suis président en 2022, on luttera contre le chômage, pas contre les chômeurs. Ah, vous regrettez, hein? Eh ben oui, trop tard. Trop tard. La propagande d'Achtar a fait son effet. Et voilà. Un système institutionnel, élection 2022, Ligue des droits de l'homme. Un système institutionnel de moins en moins démocratique. Durant ce quinquennat, la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul s'est accélérée. La pandémie a été prétexte à un renforcement des fonctionnements autoritaires et infantilisants pour l'ensemble de la population. Un état de droit mis à mal par des états d'exception. État d'urgence sanitaire a été indéfiniment prolongé après un état d'urgence sécuritaire lui-même plusieurs fois reconduit. Les dispositions d'exception sont de fait et de droit devenues la norme. Le gouvernement et les préfets ont tout pouvoir, dénaturant toujours un peu plus l'état de droit. Des comportements policiers très éloignés des principes républicains continuent d'être tolérés, voire soutenus au plus haut niveau de la hiérarchie. Une société rongée par les inégalités. Au cours de ce quinquennat, les inégalités se sont encore creusées. La précarité s'est aggravée et la paupérisation s'est accrue. Toujours plus nombreux sont celles et ceux qui survivent grâce aux associations caritatives, qui dorment dehors et n'ont pas de logement décent. Au moment où la cherté de la vie quotidienne explose, les retraites, les minima sociaux et le SMIC sont à peine revalorisés. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage se met en place avec l'objectif de diminuer les droits de plus d'un million de demandeurs d'emploi, les renvoyant au désespoir, à l'angoisse et à la colère. Cour des comptes, un rapport peu favorable au nucléaire. L'énergie nucléaire actuelle n'est pas aussi économique qu'annoncée par EDF. Et les nouveaux réacteurs sont bien plus coûteux que les énergies renouvelables. Intéressant, non? Et dérangeant. Ceux qui veulent me juger ici ne cherchent pas la justice. Détenu aux États-Unis après avoir été incarcéré au Maroc, le spinalien Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité par le FBI, a accepté de nous accorder pour la première fois une interview depuis sa cellule de Seattle. Interview Seattle. Celui qui risque 116 ans de prison. Aucun signe de l'État français. L'État français semble vouloir rester sourd. Alors ça, c'est embêtant, l'expression État français. C'est la République française. Le gouvernement français. Par contre, l'État français, c'était une expression qui a été utilisée entre 1940 et 1945 par le maréchal Pétain et tous ses suivants, et toute sa cour, tous ses larbins, tous ses lèches-bottes. L'État français semble vouloir rester sourd, aveugle et muet. Quelle a été votre réaction en apprenant que vous risquiez 116 ans de prison ? Avant mon arrivée, je ne connaissais rien du système judiciaire américain. Maintenant, je comprends que dans la plupart des affaires criminelles fédérales, le gouvernement fait tout pour éviter un procès. Il préfère conclure l'affaire avec un deal, D-E-A-L, deal, en demandant, c'est du patois de entre la Bresse et Cournimont, ou entre la Bresse et Gérard, deal, D-E-A-L. Alors, avec un deal, en demandant à l'accusé de plaider coupable contre une peine moins lourde. J'ai néanmoins accès à certaines pièces de mon dossier. Avec mon avocat, sur place, nous nous préparons au mieux pour ma défense. Voilà, je suis actuellement présumé innocent et je devrais être en liberté sous contrôle judiciaire. Je peux être condamné pour des actes qui ne me concernent pas. Eh oui, alors 2020, création du groupe de hackers Shiny Hunters, hackers, qui fait rapidement parler de lui en mettant en vente dans le courant de la même année des millions de données volées à des entreprises d'envergure nationale. 31 mai 2022, interpellation de Sébastien Raoul à un rapport de Rabat. 1er juin 2022, incarcération dans une prison marocaine. Le même jour, cinq personnes, dont deux personnes visées par l'acte d'accusation américain, sont interrogées en France. Août 2022, le père de Sébastien Raoul se mobilise et fait le tour des médias pour réclamer que son fils soit extradé en France et non aux États-Unis. 8 août, le Maroc se dit favorable à l'extradition de Sébastien Raoul aux États-Unis, etc., etc. Le 31 janvier, l'ONU demande la suspension de cette extradition depuis le Maroc, trop tard. Date du procès, 16 janvier 2024. Voilà. Alors, l'avocat, Philippe Ohayon, déclare « Le ministre de la Justice et le ministère des Affaires étrangères ont littéralement abandonné Sébastien. » Ah oui, ben, comme le reste, hein ? Ah oui. Comme le reste, il fait de moins en moins bon vivre dans ce pays, la République française. Ce qui était la République française, qui a encore la République française sur le papier, mais dans la réalité, c'est une République de moins en moins républicaine. Automobile, quand l'État recharge les batteries, l'industrie automobile européenne s'est engagée dans une course contre la montre pour tenter de combler son retard sur la Chine, sur le marché des voitures électriques. L'enjeu est vertigineux. L'avenir du secteur va se jouer dans les prochaines années avec en ligne de mire l'échéance de 2023 fixée par l'Europe pour la fin des moteurs thermiques. Des dizaines de milliers d'emplois sont menacés. Voilà, alors il s'agit de, paraît-il, limiter la casse sociale. La casse sociale. Alors, casse sociale, tiens, voilà, une page complète, hein, de 30 cm sur 40 à peu près, imprimée en couleur. Imprimé en couleur, ça coûte cher, hein. Mais alors, la page complète est couverte de couleurs. 100 de nos sites neutres en carbone d'ici à 2025. Nous contribuons à la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis 2005, nous avons réduit de 91% les émissions de CO2 de nos usines et centrales de distribution. Aujourd'hui, 65% de nos sites dans le monde sont neutres en carbone. Et nous avons déjà atteint notre objectif de 100% en Chine et aux États-Unis. Alors c'est signé L'Oréal Group. Créer la beauté qui fait avancer le monde. C'est une page de publicité. On ne fait pas de publicité sur Radio Rimouzo. Ah non, sur les radios libres, on ne fait pas de publicité. Et je lis la publicité qui est sur le journal auquel je suis abonné. Ah oui, je paye, avec mon abonnement, je paye cette publicité-là. Alors, donc, voilà. La maison Thirier défend le pouvoir d'achat de ses clients en baissant significativement ses prix. Là encore, il s'agit d'une page complète de publicité. Voilà. Des semences adaptées au changement climatique. Au Centre de ressources botaniques appliquées, domaine Melchior, Filbert, dans le Rhône, on collecte, conserve et expérimente toutes les espèces et variétés de fruits, légumes et céréales possibles. L'objectif, répondre aux enjeux de biodiversité et de changement climatique. Les chiffres font peur, autant que les rapports du GIEC. Sur les 6000 plantes historiquement cultivées en 2019, l'humanité n'en utilisait plus que 200 pour sa production alimentaire mondiale. Oh, on est bien gouverné, hein. Oh oui, oui, oui. Mais on a voté pour des gouvernants. Cherchez les responsables, hein. Moi, je peux vous jurer que je ne suis pas sur la liste. Je n'ai jamais voté pour ces gens-là. Jamais. Jean-Louis Etienne, l'humanité doit coûte que coûte décarboner. Depuis plus de 40 ans, le célèbre médecin explorateur Jean-Louis Etienne parcourt et observe la planète avec Polar Pod, son combat pour la protection de la Terre est d'actualité et son regard affûté. Alors, en 40 ans d'exploration, vous n'avez jamais renoncé, dit le journaliste, jamais lâché. Persévérance, serait-ce un nom qui pourrait vous définir? Effectivement, ce nom ne doit rien au hasard. Il est le symbole d'un engagement de longue haleine. Cette persévérance est un moteur. Elle m'invite à 76 ans à continuer. Point de suspension. L'humanité doit, coûte que coûte, décarboner pour que la situation environnementale ne vire pas au drame. Je reste confiant. Si nous le voulons, les Trente Glorieuses seront devant nous. Voilà. Et il y en a une page complète qui vaudrait la peine d'être lue entièrement. Entièrement. Ah oui, parce que Jean-Louis Étienne, il ne parle pas pour ne rien dire. Lui, contrairement à un certain nombre de politiciens de métier. Un nouveau disque pour TDAF, Dog and the Vodo Monkey. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. C'est de l'étranger, hein. Alors, il y a un jeune qui écoute les radios modulation de fréquence qui me dit qu'il faut dire The Deep Dog of the Voodoo Monkey. Alors, The, c'est pas The, c'est Te, hein. T-H-E. Bon. Deep, c'est pas Deep, c'est D-A-F. D-E-A-F. Dog, D-O-G. Ah bon. And, A-N-D. The, T-H-E, voodoo, V-O-D-O, V-O-O-D-O-O, et monkey, M-O-N-K-E-Y. Ah, bon, le français, que dirait Voltaire, que dirait Rousseau, que dirait Victor Hugo, de ce français qu'on jacte en France, hein? Ils se moqueraient de nous, ces gens-là. Ils se moqueraient de nous. Ils diraient que nous sommes des larbins. Oui, des larbins. Comment fusionner la carte vitale avec la carte d'identité? Le gouvernement envisage de fusionner la carte vitale avec la carte d'identité afin de réduire les fraudes à l'usurpation d'identité. Ah, bon. Coût, économie, escompté, date de mise en œuvre. Bon, non. Hein? Oui, des larbins. Mais oui, il y a des larbins. Bien sûr. Mais ceux qui écoutent Radio Libre ne sont pas des larbins. Voilà. C'est ceux qui écoutent les chaînes de télévision qui s'expriment moitié en français, moitié en je sais pas quoi, en étranger, hein, et qui nous vendent de la réclame, de la pub, hein. Lenteur de la justice, les délais pourraient bientôt exploser. Bien, malgré un nombre de magistrats bien en deçà de la moyenne nationale, les délais des Vosges, des réponses pénales dans les Vosges sont longs, mais tendez jusqu'à maintenant à se réduire. À la rentrée, tout pourrait changer. Avec 4 postes de magistrats en moins, les délais pourraient exploser. Eh bien, rappelons IA. IA, c'est pas IAN. IAN, c'est le cri de l'âne. IA, c'est le cri de l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer un certain nombre de gens qui se prennent pour des intellectuels, qui se figurent que leur travail est un travail intellectuel. Ben oui, les robots ont remplacé les OS et l'intelligence artificielle va remplacer les bureaucrates. Oh oui, il faudra vivre cette époque-là, qui est très proche. Hein. Il y a déjà des choses qui ont été écrites par des robots de l'intelligence artificielle. Et oui, des discours politiques. Oui. Les électeurs, ils n'ont rien vu. Rien du tout. La première usine française de batteries électriques a été inaugurée mardi en grande pompe. Ministres européens et poids lourds de l'industrie automobile ont fait le déplacement jusqu'à Douvrin, Pas-de-Calais, pour tourner le bouton de ce que Emmanuel Macron a présenté comme la vallée de la batterie. Alors, ces usines de batteries de voitures électriques sont-elles purement françaises? Sont-elles purement européennes? Est-ce que les capitaux américains n'interviennent pas pour une bonne part? Et les capitaux chinois? Ah, on nous dit pas tout. Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Sans eux, sans l'effet de notre civilisation, de notre culture, de ce que nous aimions, de ce qui donnait à notre présence sur Terre une justification secrète. Oh, secrète. Bon, l'histoire retiendra que lorsqu'il fallait sauver la terre, l'homme se demandait s'il fallait virer les pauvres ou les étrangers. Alors là, le parler creux sans peine. Alors prenons au hasard un mot dans la première colonne, dans la deuxième, dans la troisième, quatrième et cinquième colonne. Alors par exemple, recadrage ponctue les paradoxes systémiques du métacontexte. le vécu, programme les besoins non linguistiques des structures. La méthode dynamise les blocages stratégiques de la problématique. Le management développe les effets cumulatifs des acteurs. L'expression perfectionne les résultats participatifs de la démarche. Voilà. Bonne soirée et à une prochaine. Thank you.